Elle a le sens des affaires comme le cookie. Elle voyage à Bali. Baby welcome to the party. Elle aime Versace, elle veut Fendi. Dernier maquillage de chez Fenty. Des tutos sur son fond de teint. À manger, faut qu'elle pas au French. Elle parle French, pas le temps pour les gars. Posons couleur blanc vernis. Sur Insta 27K. Elle reçoit des lettres de chez Gucci. C'est blague gravée dans ses accessoires. Dans les coins branchés, elle sort. C'est une pupite comme Elvira. Je veux lui mettre les verres. Elle est rentrée dans ma tête. Elle est en place, voyage à Dubaï, tout ce qu'un millénaire cherche. Elle est rentrée dans ma tête, elle est en place, voyage à Dubaï, tout ce qu'un millénaire cherche. Elle vend du réel, achat à vue montagne, on prend des dangers. Elle roule en Range Rover, elle me vend du réel, achat à vue montagne. C'est toute mon énergie. Jeune, riche, beau, incorrigible. Qu'est-ce que je fous encore ici? Moi je prends tout, tout comme la Chine. J'aimerais connaître la marque de ton jean. Serait-ce Ablo Virgil? Morito Virgil. Aime-moi comme Billie Jean. Compte full ou en déficit. Faire l'oseille en France c'est difficile. Si tu veux tu mets c'est par ici. HSB c'est pas CIC. Tout en haut on va se hisser. Je ne suis plus le même qu'au lycée. Bon qu'à faire le kéké. Imagine-moi alcoolisé. On prend le jet carica ici. Ne chauffez pas, vous me connaissez. Regarde ce que j'ai façonné, baby t'es fasciné. Grizzly dans la tanière, gronde gronde comme le RR. Cheveux dans le vent, haute main, pisse à des horaires. Elle est rentrée dans ma tête, elle est en place. Voyage à Dubaï, tout ce qu'un millénaire cherche. Elle est rentrée dans ma tête,